la splendeur de Constantinople. Alors, tous ensemble, les croisés quittèrent le port d'Abydos sur la côte asiatique des Dardanelles. Vous auriez pu voir le bras de Saint-Georges, entendez la mer de Marmara, fleuri en amont de nefs, de galères et d'huissiers, et c'était tes grandes merveilles que la beauté du coup d'œil. Ils remontèrent ainsi le bras de Saint-Georges jusqu'au moment où ils arrivèrent, la veille de la Saint-Jean-Baptiste en juin, à Saint-Étienne, abbaye qui se trouvait à 3 lieues de Constantinople. Et alors, ceux des nefs, des galères et des huissiers eurent pleine vue sur Constantinople. Ils firent escale et ancrèrent leur vaisseau. Or, croyez bien qu'ils regardèrent beaucoup Constantinople, ce qui jamais encore ne l'avait vu, car ils ne pouvaient penser qu'il pût y avoir ville si riche dans le monde entier, quand ils virent ses hauts murs et ses riches tours, dont elle était close à la ronde tout alentour, et ses riches palais et ses hautes églises, dont il y avait tant, que nul ne l'eût pu croire s'il ne l'eût vu de ses yeux, et la longueur et la largeur de la ville, qui entre toutes les autres, était souveraine. Et sachez qu'il n'y eut homme, si hardi fut-il, à qui la chair ne frémit. Et ce n'était pas merveille, car jamais aussi grande entreprise n'avait été tentée par personne depuis la création du monde. Alors descendirent à terre les comtes et les barons et le doge de Venise, et le conseil se tint au monastère de Saint-Étienne. Là, maint avis fut pris et donné. Toutes les paroles qui furent dites, le livre ne vous les comptera point. Mais le conseil aboutit à ceci, que le doge de Venise se leva tout droit et leur dit.